Pour votre sciatique, vous avez choisi ce robuste ostéopathe, vraiment très robuste. Pour soigner cette carie, vous avez courageusement choisi ceci. Et pour votre fracture, bah elle, vous l'avez pas choisie. Et après tout ça, vous ne pourriez pas choisir votre niveau de couverture santé ? La Matmut Lance, sentez-vous bien. La mutuelle santé personnalisable qui s'adapte à vos besoins et votre budget. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Conditions et coordonnées de l'offre en agence ou sur matmut.fr. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, en partenariat avec le journal L'Équipe et à l'occasion de l'ouverture de Roland-Garros bien sûr, une question. Quel est le lien entre l'Amérique ségrégationniste, le tournoi de Wimbledon et Nelson Mandela ? Réponse Arthur H., un tennisman au parcours exemplaire. Vainqueur de 33 trophées dont 3 tournois du Grand Chelem en simple et 2 en double, il est aussi et surtout le premier joueur noir à remporter le tournoi le plus prestigieux du monde, Wimbledon, c'était le 5 juillet 1975. Pour en arriver là, H a dû mener de multiples combats. Dans les années 50, il lui a fallu s'imposer dans un état ségrégationniste des États-Unis, la Virginie, et garder son calme face au racisme déployé à son encontre. Mais ce n'est pas tout, car le tennisman a dû aussi préserver à tout prix son libre arbitre et tenir à distance les dérives du Black Power qui lui colle l'étiquette de traître sous prétexte qu'il joue avec des blancs. C'était également assumer d'être un chrétien plutôt conservateur, mais dénoncer les injustices et combattre l'apartheid, jusqu'à devenir un proche de Nelson Mandela, avant de se consacrer à la lutte contre le sida, son dernier combat. En somme, avec Arthur H, c'est tout un pan du XXe siècle qui se déploie, c'est l'histoire avec un grand H. Notre invité aujourd'hui, Patrick Poisy, ancien tennisman professionnel, finaliste de Roland-Garros en 1972 et commentateur sportif. Il est également l'auteur, Patrick Poisy, du livre intitulé « Incroyable destin des stars du tennis » paru en 2011 au Cherche Midi et il a bien connu Arthur H dans les années 70. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Bobert, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Fred Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Madame, monsieur, bonsoir. 2h25 minutes. 2h25 minutes de bonheur, d'inquiétude, d'émotion, de chaleur, de sueur pour les deux joueurs qui se sont affrontés cet après-midi en finale à Roland-Garros. Pour eux, mais aussi pour tous ceux qui les observaient, les spectateurs privilégiés du cours central et les millions de téléspectateurs rivés à leur télévision. 2h25 minutes et une victoire en 3 manches pour Yannick Noah. 6-2, 7-5 et 7-6 au tie-break. Les grands moments de la rencontre, Lionel Chamoulot. Et c'est Marcel Bernard, le dernier vainqueur français de Roland-Garros, qui remet le trophée à Yannick Noah. Depuis 1946, aucun Français n'avait fait ce geste. Dimanche 5 juin 1983, cours central de Roland-Garros. Au terme d'une finale qui restera dans les mémoires, le jeune Yannick Noah l'emporte face au Suédois Mats Wilander, le seul joueur de fond de cours qui ne semble pas jouer comme un bûcheron. Non, une certaine élégance, Wilander. Une grosse cote d'ailleurs, auprès du public. Mais ce jour-là, il joue à Paris contre un Français. Un Français flamboyant, par son jeu et sa personnalité, Noah. Alors, la cote d'amour n'est pas du côté du Suédois, pour une fois. En larmes de joie, vainqueur, Noah, l'outsider Rasta, se précipite dans les bras de son père, offrant au monde l'une des plus belles images de l'iconographie sportive. Et il fait chavirer la France. Il déclare « J'ai gagné pour ma famille, mes amis, pour vous tous, la grande famille du tennis, mais aussi pour la France et pour mon deuxième pays, le Cameroun. » Voilà, tout est dit. Car si depuis 1946, aucun Français n'était parvenu à s'imposer en finale de Roland-Garros, il y a surtout le fait qu'aucun joueur noir ou franco-africain n'était jamais parvenu en finale. Un homme est à l'origine de ce succès. Un tennisman qui n'est ni français ni camerounais. Il s'appelle Arthur H. Né aux États-Unis en 1943, il est d'un caractère réservé, là où Yannick Noah, lui, se montre extraverti. Mais les deux hommes partagent la même passion du tennis, ainsi que le désir de transcender les discriminations contre les tennismen noirs ou métis. C'est lors d'un séjour à Yaoundé, au début des années 70, qu'Arthur H. remarque le jeune Yannick, âgé de 11 ans. Celui-ci demande un autographe. H. sourit, lui offre sa raquette, ainsi qu'un poster sur lequel il écrit « J'espère qu'on se retrouvera à Wimbledon ». Le jeune Noah exulte. Il y a de quoi. Et ce n'est pas tout. De retour à son hôtel, H téléphone à Philippe Châtrier, le vice-président de la Fédération française de tennis, afin de lui parler de ce jeune joueur si prometteur. Il aimerait l'aider à intégrer la section sport-études de Nice. La suite, c'est sa femme, Jeanne Montoussamy H, qui la raconte dans une interview donnée à l'équipe le 13 mai 2005. Le tout premier souvenir que j'ai de Yannick remonte aux années 70. Arthur était très excité à l'idée d'entreprendre cette tournée au Sénégal, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Pas forcément pour y dénicher un champion, mais simplement pour le plaisir de la découverte. À l'époque, cela n'était pas banal de partir dans des pays peu concernés par ce sport. Mais Arthur a toujours eu à l'esprit qu'il suffit de peu de choses, un geste, un regard, une parole, pour changer le cours d'un destin. Évidemment, il n'a jamais exagéré la portée de son influence, mais dès qu'il le pouvait, et si son statut lui permettait d'apporter une aide ou un soutien, il le faisait. Ce n'est pas un hasard si Arthur H. parcourt l'Afrique en ce début des années 70 et qu'il vient en aide à de jeunes joueurs. Il est alors une star du tennis américain. Le premier noir à avoir remporté un tournoi des Grands Chelems en 1968. Un miracle, car le tennis, c'est alors un sport de blanc, hautement conservateur. Et cela fait 10 ans que le mouvement pour les droits civiques des Afro-Américains agite le pays. Manifestations, boycotts, marches sur Washington menées par Martin Luther King. L'Amérique progressiste s'éveille, mais le parcours est long. Car le pays, en particulier dans les États du Sud, est encore empreint d'une culture raciste, due à des siècles d'esclavage. Les Noirs y sont libres, mais tout juste tolérés. Et mieux vaut ne pas se mélanger, comme en témoigne ce reportage réalisé en 1957 dans l'Arkansas. Aux États-Unis, la rentrée scolaire, du moins dans l'Arkansas, s'est faite à l'ombre des fusils. Refusant d'appliquer la loi fédérale, le gouverneur Phobus avait fait interdire l'entrée des écoles et des lycées aux élèves noirs. Et les élèves noirs ont été insultés. Ils ont été conspués par les élèves blancs qui ont refusé d'admettre ce qu'ils appellent la promiscuité. Dans les États du Sud, la permanence des préjugés de race risque de mettre en échec la politique d'intégration décidée par Washington et voulue par le président Eisenhower. Il se trouve qu'adolescent, le jeune Arthur H. fait partie de ces jeunes qui désirent intégrer les bonnes écoles. Il vit alors dans l'État de Virginie, qui agit comme en Arkansas, en bafouant les lois progressistes qui viennent de Washington, et en maintenant un système ségrégationniste. En un mot, les blancs et les noirs ne se mélangent pas. Les écoles, elles doivent être séparées. Les piscines publiques, séparées. Les églises, séparées. En conséquence, les cours de tennis sont eux aussi séparés. Et les associations locales qui gèrent les clubs sont tenues par des hommes très conservateurs. Le jeune Arthur se voit donc interdire les cours réservés aux blancs, ainsi que tous les tournois amateurs. Alors il se trouve que le garçon est doué et d'un calme olympien. Les blancs ont des torts envers nous, mais nous n'allons pas nous abaisser à être comme eux, répète l'un de ses oncles. Le jeune Arthur tient donc à se montrer irréprochable. Les drames, oh, il en a l'habitude. Sa mère est morte lorsqu'il avait 6 ans. C'est donc son père, Arthur H. Senior, un policier municipal qui l'élève, avec l'aide de sa grand-mère, Amélia, dite Ma. À longueur de journée, dans sa maison de Wolf Park, le quartier noir de la ville, Amélia branche son tourne-disque pour écouter Little Light of Mine, un gospel datant des années 20, qui sera repris dans les années 60 par les militants des droits civiques. Mais cela, le jeune Arthur ne sait pas encore. Bref, la famille est soudée, mais pas question de se plaindre, de se révolter ou de se laisser aller. Non, chez les H, on ne lésine pas avec la morale, sur l'église et sur les bonnes manières. Si la réputation peut être considérée comme une propriété, alors de tout ce que je possède, elle est mon bien le plus précieux. Je n'ai jamais commis de péché ou d'erreur sans savoir que l'on m'observait. Qui me surveille ainsi? Les vivants et les morts. Ma mère me surveille. Elle ne me quitte jamais, observant chacun de mes actes. Lorsque je parle à des jeunes de la portée morale des décisions qu'ils prennent dans la vie, je leur répète souvent, ne faites rien que vous chercheriez à cacher à votre mère. Quant à mon père, Il était de mèche avec mes entraîneurs. Tous insistaient pour que je reste toujours poli, détaché, d'un calme inébranlable sur le court, afin d'éviter que les blancs ne m'accusent de grossièreté et de bassesse. J'ai bien appris la leçon. Et Arthur apprend vite. Son désir d'intégration est tel qu'en plus du tennis, il intègre l'orchestre de son lycée. Chaque printemps, suivant la coutume, il revêt un blazer blanc, un nœud papillon, et il interprète des musiques allant de Duke Ellington à Beethoven. On le félicite. Mais le tennis est plus fort que la musique, que l'église. C'est une vocation. Un homme s'intéresse alors à lui. Un certain Robert Walter Johnson, le premier médecin afro-américain hospitalier de Virginie. Tennisman émérite, l'homme a développé un programme d'entraînement par et pour le tennis. Et ça marche. Au point pour le jeune H de devoir faire un choix crucial. Il va falloir quitter Richmond pour Saint-Louis, dans le Missouri, où la ségrégation entre adolescents noirs et blancs vient officiellement de prendre fin. Son nouveau coach, Richard Hudling, l'encourage alors à changer de style, à oser le service volé, ce jeu qui fait le spectacle, et à s'imposer. C'est dans le New Jersey qu'il remporte son premier tournoi officiel la veille de ses 18 ans. Un sésame qui lui permet d'être remarqué par le magazine Sport Illustrated qui publie son portrait. Mais surtout, grâce à cette victoire, il obtient une bourse pour l'université de Los Angeles, la fameuse UCLA, où il remporte 7 championnats d'affilée. Il rejoint alors l'équipe américaine de la Coupe Davis et décroche le titre de premier joueur afro-américain sélectionné. D'autant que l'enjeu est immense. Nous sommes en septembre 68, et cela fait 5 ans que les Américains n'ont pas gagné cette Coupe Davis. Et le miracle se produit sur le gazon australien, c'est grâce à Ash qu'il la gagne. Toutefois, certains s'étonnent, car tout de même, Ash est, je cite, « de race noire ». Réaction ici du joueur français François Geoffrey, qui prend sa défense au micro de France Inter. On pourrait presque dire que si l'Amérique a remporté pour la 20e fois ce challenge round de la Coupe Davis, c'est en partie grâce à Ash, le noir américain. Arthur Ash est maintenant le premier joueur mondial de race noire à s'être porté si haut dans le niveau du tennis. Est-ce que vous accordez une importance particulière à l'ascension de Ash? Particulière, il est certain que c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est le premier noir, comme vous le dites, qui arrive à remporter la Coupe Davis. Mais je pense d'une certaine façon qu'il n'y a pas de raison que les Noirs ne jouent pas aussi bien au tennis que les Blancs. Comme ces années 60 sont stupéfiantes. Sauf que côté vie privée, H est loin d'être déluré. Il est même très réservé. Ainsi, lorsque le magazine Life lui consacre sa une, c'est avec cette légende, l'élégance glacée d'Arthur H. Un titre qui le déconcerte, car lui ne se voit pas comme un homme froid, non, simplement mesuré. Mais ce n'est pas ce qui le dérange le plus. Non, le problème, c'est qu'à ses yeux, la lutte pour les droits civiques semble être en marche sans lui. Pourquoi ? Parce que depuis l'été 66, pour honorer ses frais de scolarité à UCLA, il a accepté d'intégrer le corps des officiers de réserve pour une durée de 30 mois. 30 mois durant lesquels il peut continuer à jouer au tennis, certes, mais ne peut faire aucune déclaration publique. Et ce n'est pas simple de garder le silence face au mouvement qui se déploie. Un exemple. Le 4 avril 1968, lorsque Martin Luther King, son héros, est assassiné, il n'a pas le droit de s'exprimer. Dans ses mémoires, intitulées « Jours de grâce », paru en 1993, il témoigne de ses scrupules. Alors que le sang coulait dans les rues de Birmingham ou de Memphis, moi, je jouais au tennis. En tenue blanche immaculée, je frappais avec élégance mes balles sur les cours impeccables de Californie, de New York et d'Europe. Au même moment, dans tout le sud du pays, des jeunes gens de mon âge souffraient pour que les Noirs se libèrent de notre apartheid à nous, à l'américaine. Apartheid, le mot est lâché. Un concept dont H va se saisir dès sa sortie de l'armée. Pour militer et combattre, cette fois outre-Atlantique, direction l'Afrique. West wind, blow ye gentle, o'er the souls of yesterday. My son, Aujourd'hui, Arthur H., itinéraire d'une icône. France Inter, affaires sensibles. New York, 1971. Arthur H. est officiellement qualifié d'étoile du tennis international. En simple comme en double, il gagne et il fascine. On le voit devenir une icône, mais une icône étrange qui, face au racisme, garde invariablement son calme, comme en témoigne ici Pierre Barthès, tennisman français durant les années 70 sur France 2. Avec ce qu'il a enduré, ce qu'il a vécu, étant noir aux États-Unis, toute l'ouverture du tennis open, l'ouverture du succès du tennis aux États-Unis, les portes, je l'ai vu dans des circonstances, par exemple à River Rocks, un tournoi dans un club extrêmement huppé, chic, snob, insupportable. Je l'ai vu, jamais aucun noir avait joué dans ce club et il était là avec une dignité fantastique. Il a toujours représenté l'exemple quoi, dans tous les compartiments. Et quelle classe! Quelle classe, oui. H devient un exemple. Or, étonnamment, c'est désormais chez certains noirs qu'H dérange. C'est-à-dire qu'à leurs yeux, maintenant qu'il fait partie de l'establishment, on le perçoit comme un parvenu qui ne se révolte pas contre le pouvoir blanc. Certains le qualifient même d'oncle Tom, autrement dit traître. En vérité, H est un conservateur qui goûte peu les actions des Black Panthers. Et il s'en explique dans ses mémoires. À mes yeux, 1965 représente la grande ligne de fracture de l'histoire contemporaine des Afro-Américains. Cette année-là, Stokely Carmichael a lancé la doctrine du Black Power. Il le fit au cours d'un brillant discours dans le Mississippi dont, à mon avis, l'Amérique noire ne s'est jamais remise. Ce qui avait commencé comme un mouvement de libération tournait au régime dogmatique, haineux et sexiste. Je voyais une similitude inquiétante entre la ségrégation du temps de ma jeunesse et l'ordre nouveau proposé par le Black Power. Pendant les 17 premières années de ma vie, les Blancs de Virginie m'avaient dit ce que je devais faire, quelle église fréquenter, dans quel taxi monter. Désormais, des militants noirs voulaient eux aussi me dire quoi penser. Je me rebellais au nom de la liberté. L'histoire de l'engagement de H commence par une vexation. En 1969, le gouvernement sud-africain, foncièrement raciste, lui interdit d'entrer sur son territoire pour participer au premier Open de Johannesburg. À l'époque, l'Afrique du Sud ne représente pas un enjeu majeur aux États-Unis et les Nations Unies n'ont pas encore voté l'embargo pour punir l'apartheid. Alors, H se démène pour que la Fédération internationale de tennis réagisse et puisse exclure l'Afrique du Sud de la Coupe Davis. Dont acte en 1970. Cette même année, il est même entendu par la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants en charge de l'apartheid. Mais Arthur H. ne s'arrête pas là et demande à nouveau un visa en 70 et en 71 pour enfin l'obtenir en 72. Sur place, impatient d'en découdre, il se hisse en finale. Un succès certes, mais teinté d'un goût amer. car certains militants du Black Power l'accusent de jouer le jeu du gouvernement blanc en acceptant que les spectateurs soient séparés dans les tribunes. H encaisse, en silence, tout en décidant, après le tournoi, tout de même de mener l'enquête. Jour après jour, il rencontre des Noirs, des Blancs, des Indiens, des Métis, des Juifs. Et il engage le dialogue tant dans les ghettos que dans les quartiers riches. C'est ainsi que, loin de son hôtel de luxe, il découvre avec horreur les pancartes réservées aux Blancs et réservées aux Noirs qui lui rappellent la Virginie de son enfance. Un étrange retour en arrière. Et une rencontre le marque profondément, qu'il raconte dans ses mémoires. Je n'oublierai jamais ce gamin noir âgé d'environ 14 ans qui me suivait partout dans Ellis Park, le sacro-saint stade de rugby où se déroulait l'Open d'Afrique du Sud. Chaque jour, il était là quand j'arrivais et quand je m'en allais. Il m'observait d'un œil vif, comme si j'exhalais une qualité mystérieuse et précieuse qu'il voulait posséder. Finalement, je me décidai à l'aborder gentiment. « Dis-moi, pourquoi me suis-tu ainsi ?»« Parce que tu es le premier que j'ai jamais vu. »« Le premier quoi ?»« Le premier noir libre que j'ai jamais croisé. » Un frisson me secoua en entendant ces paroles. H comprend que son engagement devra être tenace, puissant. Côté court, la période est tout aussi intense. Le 5 juillet 1975, son rêve se réalise lorsqu'il s'impose en finale de Wimbledon face à Jimmy Connors. L'envoyé spécial de tennis de France rapporte alors « Dans l'air flottait une odeur de soufre. La tension était extrême. Parce qu'on savait qu'à travers ces deux hommes, c'était deux mondes qui s'opposaient. » Arthur H. l'emporte donc et il enchaîne les victoires contre les plus grands, Borg, Gerulaitis, consorts et consorts. Contre Nastase aussi, qui s'amusait à le traiter de négro dans les coulisses. Parallèlement, il garde bien à l'esprit que le combat pour les droits des Noirs n'en est qu'à ses débuts, et il n'a pas tort. Car le 16 juin 1976, toujours en Afrique du Sud, Soweto s'embrase. Situé à une vingtaine de kilomètres de Johannesburg, en Afrique du Sud, ce ghetto noir devient le théâtre d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre qui tirent à balles réelles. Les images choquantes sont reprises par les médias du monde entier, comme ici dans le journal de Jean-Claude Bourret. En Afrique du Sud, la situation reste explosive. 100 morts en 3 jours et plus d'un millier de blessés. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce matin pour examiner les mesures de pression contre les Africains d'Afrique du Sud par la minorité blanche, Jean-Loup Demigneux. 100 morts, 2 blancs, 98 noirs en 3 jours, plus que la tuerie de Sharpeville il y a 15 ans. Plus de 1000 blessés. En n'hésitant pas à laisser la police se servir de ses armes, le gouvernement sud-africain a une nouvelle fois donné la démonstration que la minorité blanche était maîtresse dans le pays et que les Noirs n'avaient pas le droit de s'exprimer, pas même par la violence. En conséquence, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne enfin l'Afrique du Sud, accroissant son isolement au sein de la communauté internationale. Ce qui n'empêche pas Arthur H. d'y retourner en avril 1977, à l'occasion d'une émission consacrée au sport et à l'apartheid. Et il prophétise... La Rhodésie tombera d'ici à un an, la Namibie d'ici à 2 ans, et ensuite, ce sera l'Afrique du Sud. Mais ce n'est pas tout, car c'est aussi la cause d'Israël qu'il épouse. Il perçoit l'État hébreu comme la seule nation du Moyen-Orient à garantir les libertés civiques et politiques. Évidemment, du côté du Black Power, ça grince. Alors il répond. Je ne peux qu'approuver affection et respect pour les Juifs. Depuis longtemps, j'ai constaté que parmi les gens qui m'ont aidé à devenir célèbre, il y a un pourcentage énorme de Juifs. Et pourtant, je n'ai jamais demandé leur aide. Aux yeux d'Arthur H., le modéré, tout doit concourir à la justice et à la réconciliation entre les communautés. Un côté Mandela, c'est sûr. En outre, il reste persuadé que l'éducation est la meilleure solution pour sortir de la violence et de la pauvreté. Alors, il finance des travaux de recherche universitaire qui retracent l'histoire des athlètes américains d'origine africaine et qui aboutit à une anthologie inédite, 3 volumes intitulés « Un dur chemin pour la gloire ». Mais comment comprendre que, soudain, en pleine gloire, le cœur d'un homme jeune craque ainsi ? Est-ce le stress, les déplacements incessants, la malchance, le destin ? Tournoi de Kitzbühel, Autriche, 25 juillet 1979. Arthur H. l'ignore, mais il dispute le dernier match de sa vie. Étonnamment, ce jour-là, il ne se sent pas en forme. En dépit de son rang, 7e au classement ATP tout de même, il perd dès le second tour contre le français Christophe Fraisse, classé lui 150e. Puis, de retour à New York, une intense douleur à la poitrine l'étreint dans la nuit. C'est une crise cardiaque. Direction l'hôpital, où il subit un triple pontage coronarien. L'opération est une réussite, mais le coup prétend quand même, interdiction de reprendre le tennis. Passé le choc de l'annonce, il ne se laisse pas abattre et décide de fonder l'Association américaine du cœur. En outre, il accepte le titre de capitaine pour la Coupe Davis ainsi qu'un poste de commentateur sportif. Toujours progresser, toujours être en mouvement. Oui, sauf que 3 ans plus tard, lors d'un séjour en Égypte, une nouvelle crise cardiaque l'assaille. Et à nouveau, on l'opère. Un double pontage correctif qui cette fois le laisse épuisé. Les médecins lui proposent donc une transfusion afin de pallier son anémie. Il accepte. Quelques jours plus tard, la secrétaire d'État à la santé du président Reagan déclare « Les produits sanguins de la nation sont sûrs. Vraiment ?» Eh bien non, car cette affirmation comporte en elle les germes d'un terrible soupçon. Voilà plusieurs mois que l'épidémie de sida se propage et qu'elle sème un vent de panique. Texas, les premiers signes d'un vent de panique qui balaye l'Amérique, chez ceux qui sont supposés entrer les premiers en contact avec les malades, secouristes, ambulanciers. On prend un minimum de précautions sans très bien savoir si ça servira à quelque chose. Si j'attrape cette maladie au contact de quelqu'un, je ne sais pas si je ne vais pas la transmettre à ma famille, ça m'inquiète beaucoup. J'ai vu des articles sur la contamination par les banques du sang, c'est très grave. Ça pourrait être un fléau, un truc comme ça pourrait tuer des tas de gens et contaminer toute la population. Nous sommes en 1983 et Arthur H. ne sait pas encore que l'hôpital lui a transfusé du sang contaminé. Alors il continue de sillonner le monde pour commenter les matchs et encourager ses joueurs favoris. Mais pas seulement. Un après-midi, lors du tournoi de Flushing Meadows, il disparaît de la tribune de presse. On s'inquiète, où est-il ? À Washington, figurez-vous, pour manifester en faveur des réfugiés haïtiens devant la Maison-Blanche. Le soir, les chaînes de télévision annoncent qu'il a été arrêté par les forces de l'ordre. Et le lendemain, il est de retour à Flushing Meadows, comme si de rien n'était. Puis en janvier 85, c'est devant l'ambassade d'Afrique du Sud à Washington qu'il est arrêté. Une épreuve qui le secoue. Avec 16 autres manifestants, il est menotté, puis bouclé dans une cellule. Mais décidément, rien n'arrête. Il sort et manifeste à nouveau, cette fois en compagnie du chanteur Harry Belafonte. Ensemble, ils marchent sur la représentation diplomatique des États-Unis aux Nations Unies. Il se marie également à une photographe afro-américaine qui bientôt donne naissance à une petite fille. Les mois filent, durant lesquels il savoure sa paternité, jusqu'à ce matin d'août 88. C'est en août 1988 que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'étais avec Jeanne, ma femme, dans un hôtel au nord de New York. Je venais de rentrer dans ma chambre après le petit déjeuner et j'allais interroger mon répondeur téléphonique à distance. Je me suis aperçu que les doigts de ma main droite ne bougeaient pas. Ma main était comme morte. Mon médecin m'a fait un scanner du cerveau qui a révélé des anomalies dans la partie gauche. On a cru à une hémorragie cérébrale et, quelques jours plus tard, j'ai subi une intervention au New York Hospital. Mais à la place d'une attaque cérébrale, les médecins ont décelé une infection parasitaire due à la toxoplasmose, qui peut être un indice du sida. Le scanner avait beaucoup inquiété le neurologue, donc on m'a fait le test. J'étais dans ma chambre d'hôpital, Jeanne à mes côtés. Les médecins sont entrés et ils m'ont dit « Vous avez le sida ». Dans la foulée, les médecins découvrent que le virus lui était transmis lors de sa deuxième opération du cœur par transfusion sanguine. En revanche, sa femme et sa fille sont séronégatives. Il n'empêche, à tout juste 45 ans, sa vie bascule et il le sait. Ses jours sont comptés. À l'époque, le sida est un serial killer. Fidèle à ses habitudes, il reste discret et n'en informe que ses proches. Fervent chrétien, il s'en réfère au Christ et il écrit « Enfant, l'Église était au centre de ma vie, alors je me suis souvenu des mots de Jésus sur la croix. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et puis je me suis demandé « Pourquoi pas moi ? Pourquoi serais-je épargné d'un mal dont bien d'autres doivent souffrir ?» Il se raccroche aussi à l'émotion que lui procurent les tableaux de Rembrandt qu'il regarde au Metropolitan de New York. et il décide d'accrocher dans son salon la Négresse Blanche, l'une de ses gravures préférées. En vérité, c'est une période étrange, feutrée, durant laquelle il découvre aussi les poèmes d'Hermanès, qui calment ses angoisses. Toutefois, un événement international vient lui apporter de grandes joies. Le 11 février 1990, après 27 ans de prison, Nelson Mandela est enfin libéré. Un événement historique, planétaire. À la fin du mois de juin, le héros mondial de la cause noire effectue son premier voyage officiel aux États-Unis qui lui réserve un accueil triomphal. Bien sûr, le président Bush est là pour l'accueillir et toutes les stars veulent le voir. Mais Mandela insiste, la première personne qu'il souhaite rencontrer, c'est Arthur Ashe, oui, en souvenir de son combat mené dans les années 70. Une joie immense pour l'ancien champion de tennis qui ne lui dit rien de sa contamination. Mais en avril 92, un coup de téléphone vient tout changer. C'est le journal USA Today qui tient à le prévenir. Arthur, nous savons que vous avez le sida et nous avons l'intention de le dire. Populaire, racoleur, USA Today est le seul quotidien avec le Wall Street Journal à bénéficier d'une couverture nationale. À leurs yeux, le sida de H est un scoop, une aubaine. Certains y voient même la revanche de l'Amérique blanche sur l'éternel perturbateur. Mais comme d'habitude, H reste imperturbable. Il leur répond « Je n'aime pas supplier, faites ce que vous voulez ». En vérité, il enrage, car il déteste l'idée d'avoir été trahi et que sa fille apprenne qu'il ne va pas tarder à mourir. Alors, pour prendre de court le journal, il organise en urgence une conférence de presse avant que le scoop ne paraisse. 8 avril 1992, 15h30, New York. Le 15e étage de l'immeuble de la HBO est bondé. On y trouve des sportifs, des journalistes, des médecins, mais aussi David Dickens, le premier maire noir de la ville. Cerné par les micros et les caméras, comme à l'époque de ses triomphes, Ashe confirme les rumeurs d'une voix enrouée. France Inter. Mais d'abord le choc d'une révélation dramatique aux États-Unis. L'un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, Arthur Ashe, est atteint du sida. Je suis désolé d'avoir été obligé de faire ces révélations maintenant. Après tout, je ne suis pas candidat à aucune fonction publique. C'est seulement parce que je suis contraint et que je tombe dans la catégorie des personnalités publiques que je m'exprime. Je ne suis pas malade, je veux travailler et continuer ce que j'ai fait depuis plusieurs années. En ce qui concerne ma famille, ma femme et ma fille sont en parfaite santé. Ils ne sont pas porteurs du virus. Immédiatement, la nouvelle fait le tour du monde. Face à l'emballement médiatique, la championne de tennis Chris Evert déclare « J'ai l'impression que la presse a perdu un peu de son humanité. » Mais Ashe refuse le statut de victime. Dans ses mémoires, il revient sur son dernier combat et il déclare « J'avais bien perdu des matchs dans ma vie, mais j'avais rarement abandonné une partie. C'est dans les moments de danger qu'il faut réagir avec confiance, autorité et grâce. » Et en effet, il réagit en créant une fondation en collaboration avec la Croix-Rouge et l'OMS. Le 1er décembre 92, c'est à l'invitation du secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, qu'il s'exprime dans le cadre de la Journée mondiale contre le sida. Un discours qu'il qualifie lui-même de l'un des plus importants de sa vie. Et il s'exclame « Que dois-je dire à ma fille de 6 ans ? Que la génération de leurs parents était tellement empêtrée dans ses querelles politiques qu'elle a accepté l'idée d'une population de réfugiés médicaux ?» Arthur Ashe s'éteint d'une pneumonie le 6 février 1993 au Cornell Medical Center de Manhattan. Selon ses vœux, il est enterré à Richmond, en Virginie. 3 ans plus tard, cette même ville qui jadis lui interdisait de jouer avec les Blancs érige une statue à son effigie grandeur nature, debout. La main droite, levant un livre, la gauche, une raquette de tennis. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the redwood forests to the Gulf Stream waters. Oh yes, this land belongs to you and me. As I went roaming that ribbon of a highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. Yes, this land belongs to you and me. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forests to the Gulf Stream waters. Ooh, this land belongs to you and me. I roamed and rambled, I followed my footsteps across the golden sands of your diamond deserts. And all around me a voice kept saying, oh, this land belongs to you and me. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forests to the Gulf Stream waters. Oh Lordy, this land belongs to you and me. To the New York Island, from the Redwood Forests to the Gulf Stream waters. Ooh, this land belongs to you and me. This land belongs to you and me. This land belongs to you and me. This land belongs to you and me. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la vie et l'œuvre du tennisman Arthur Ashe, dont nous allons parler avec un autre tennisman, Patrick Proisy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié « Les incroyables destins des stars du tennis » en 2011, c'était au Cherche Midi. Ces stars, vous les connaissez bien, car vous en avez été une, vous aussi. Hein, vous avez atteint, oui, la finale de Roland-Garros en 72. Quand on atteint la finale d'un grand chelem, on fait partie des stars du tennis. Que votre modestie en souffre peu importe. Voilà. Non, mais bon, c'était une autre vie, mais une vie intéressante. Oui, j'imagine, oui. Alors, on va parler évidemment de la personnalité d'Arthur Ashe. Moi, j'aimerais, parce qu'on n'a pas fait pendant le récit, qu'on parle de son tennis. Quel tennis il pratiquait? Est-ce que c'était un joueur flamboyant, montant à la volée, ou plutôt quelqu'un de prudent, fond de court, en balle liftée? Alors c'était, je dirais, un joueur très intelligent. Et vous avez cité tout à l'heure sa finale contre Jimmy Connors à Wimbledon. Je crois que c'est un modèle d'intelligence, parce qu'en fait, Arthur Ashe savait très bien que Jimmy Connors lui était supérieur et qu'il fallait absolument qu'il trouve une tactique pour dérégler Jimmy Connors. Il a trouvé cette tactique. Il a volontairement évité de taper trop fort dans la balle. Ses services étaient extrêmement slicés, courts, mais sans véritablement donner beaucoup d'impact. Et il jouait au centre, sur le coup droit de Connors, sans lui donner de rythme. Et c'est comme ça qu'il a réussi à battre Jimmy Connors dans une finale qui était extraordinaire. Donc, je crois que cette finale, en fait, elle résume parfaitement les qualités d'Arthur Ashe, qui était un joueur très élégant, plutôt un attaquant, bon service, très très bonne volée, assez brillant d'ailleurs en simple comme en double, qui a gagné, vous l'avez rappelé d'ailleurs, trois grands chelems, oui. L'US Open en 68, l'Australian Open tout en 70, ouais. Et tout sauf Roland-Garros, mais c'est vrai qu'il n'avait pas le jeu pour véritablement s'imposer à Roland-Garros. On a oublié de dire également qu'il a gagné quand même quatre Coupes Davis comme joueur, et qu'ensuite il a gagné d'autres Coupes Davis comme capitaine. Ouais. Je me souviens avoir commenté d'ailleurs pour France Inter la finale qui a opposé la France aux États-Unis, c'était en 1982 à Grenoble, et Arthur Ashe était capitaine de l'équipe des États-Unis et au niveau de l'équipe de France jouait un certain Yannick Noah. Donc là aussi, on retrouve un petit peu les thèmes que vous avez évoqués. Vous avez raison de dire que c'était pas tout à fait la surface de Roland Garros, c'était pas la surface de prédilection d'Arthur Ashe, parce qu'à l'exception de Noah, qui était un attaquant, de grands attaquants comme Connors et McEnroe n'ont pas gagné Roland Garros parce que ce n'est pas une terre pour les attaquants service volé. Oui, alors ça dépend un petit peu des périodes, mais il est clair que McEnroe n'a pas été très loin. Hein. On se souvient que sa finale contre Lendl, il est 2-7-0 et qu'il a perdu en 5-7, donc il n'était pas très loin. On a essayé d'ailleurs au niveau de Roland-Garros de faire en sorte que la terre battue soit un petit peu plus rapide pour favoriser les attaquants. Bon, Roger Federer a gagné une fois, mais à l'époque où Rafael Nadal avait perdu, en tous les cas avait été éliminé du tournoi, et c'est vrai qu'à chaque fois que Roger Federer s'est présenté contre Rafael Nadal, il a été battu. Donc c'est vrai que la terre battue est plus une surface qui favorise les contre-attaquants, ceux qui défendent très bien leur territoire, qui glissent bien sur la terre battue. Par exemple, on se souvient d'un garçon comme Pete Sampras qui a dominé le tennis mondial, mais qui, comme Arthur Ashe d'ailleurs, n'a jamais gagné Roland Garros. C'est vrai, je l'avais oublié. Parce qu'il avait beaucoup de mal à glisser sur la terre battue, il n'était pas très à l'aise, et que cette terre battue, qui pour moi est la surface la plus complète pour un joueur de tennis, parce qu'elle permet à la fois de défendre, mais elle permet également d'attaquer, et c'est une surface qui, encore une fois, ne laisse absolument rien passer. Il faut être parfaitement placé sur chaque point, parce qu'il y a des fourbons, il peut y avoir plein de choses qui, encore une fois, perturbent le jeu sur terre battue, et ce qui fait que ça rend cette surface extrêmement difficile à amadouer. Alors parlons de Arthur Ashe, que vous avez eu le privilège de connaître. Dites-moi dans quelles circonstances et ce que vous avez ressenti avec lui, comment vous voyez cet homme. Alors d'abord, nous avons fait partie de cette génération qui avons créé l'ATP, l'Association des tennismen professionnels, qui a été créée en 1972. Et j'ai fait partie, moi, du board des directeurs de l'ATP pendant 4 ans, aux côtés d'Arthur Ashe. On avait une réunion à peu près une fois par mois dans tous les tournois du monde. Donc je l'ai côtoyé énormément au sein de l'ATP, dont il a été d'ailleurs le président à une certaine époque. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il nous a accompagnés à l'époque où l'équipe de France de tennis, d'ailleurs, avait été invitée à jouer en Afrique du Sud. C'était en 1972. Et nous avions été jouer une série de tests de matchs en Afrique du Sud. Et parmi les joueurs de l'équipe de France, nous avions un joueur noir qui s'appelait Wanaro Ngodrela, qui était originaire de Nouvelle-Calédonie. Et j'ai vécu donc, moi, cette période où on est resté pendant un mois et demi en Afrique du Sud. On a été joué à Cape Town, à Port-Elisabeth, à Johannesburg, à Durban, et on était reçus. Et à chaque fois, les autorités sud-africaines avaient promis à l'équipe de France que Wanaro Ngodrela serait traité comme les autres. Mais à chaque fois qu'on allait dans un restaurant, c'était réservé noir, blanc. Les tribunes du stade, c'était la même chose. Les taxis, plusieurs fois, Wanaro Ngodrela a été malheureusement empêché de monter dans le même taxi que nous. Donc on a vécu, en fait, les contradictions de ce gouvernement apartheid qui, d'un côté, disait « Oui, mais venez, vous allez voir, tout est pareil. » C'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, avec Arthur Ashe. Et puis, en fait, la réalité des faits qui était complètement différente. On va continuer à parler ensemble, évidemment, d'Arthur Ashe et de l'entourage et de ce milieu du tennis professionnel dans 2 minutes et demie, après avoir écouté Varnish, La Piscine, Nubian Farlow. Yo. Yo. Baby, mets les grands phares, je vois leur visage quand ils passeront sous mes roues. Vrai bandit, j'incendie la zone où tu crois être safe et je m'étendrai tous les jours. Et ensuite j'irai pêcher mes péchés, je veux pas les égarer, l'océan n'a pas d'humour. Au final, attiré par les aves, j'ai trouvé mon paradis. Terme, j'ai pas les mots. Weston flex, j'suis dans mon élément. Think straight dans tes sentiments. Nègre, t'inquiète pas, la balle est dans mon camp. Dans 30 secondes, elle finira dans ta tente. Avoir ma gueule, il fait un temps de merde. Désolé, je suis juste impoli quand je vois tout le temps que je vais perdre à t'écouter. Dégâts causés par un missile. Je kifferais niquer le Mississippi. 666 sur ces bitches. Black sur le trône, queen avec des tresses. Loin du bas du bloc, mais je suis gangster. Tout en haut du globe quand les gens se crèvent. Faites avec des stars, ils passent du pop smoke. Fais pas genre tu viens, tu connais pas la Grèce. Dégainer le canon sur ces caniches. Ça sonne des mots qui me parlent. Bouche les deux oreilles si tu veux un conseil. Et à ce stade, y'a plus de comeback. Encore une autre vague. On fera comme si on pouvait tout arranger. La guerre a déjà idée claire, putain chouriaki. Les gosses craignent flot d'illuminati. J'parle pas, j'suis reconnaissant. Force aux négros bêtes qui font tomber le plug. Dieu seul met la fin du scénario. Y'aura pas d'horaire, ça sera que l'horreur. J'aurais peut-être la haine encore au paradis. Si j'avais une place au paradis, j'lui demanderais c'est quoi ces maladies. Dégainer le canon sur ces caniches, ça se met des mots qui me parlent. Bouche les deux oreilles si tu veux un conseil. France Inter. Affaires sensibles. Dites-moi, Patrick Proisy, vous avez joué contre Arthur H. Ça s'est passé comment? Bah écoutez, j'ai joué plusieurs fois contre Arthur H. Alors, je me souviens plus de toutes les rencontres que j'ai disputées contre lui, mais je me souviens de deux rencontres en particulier. Une qui était à Paris, sur court couvert, c'était à Coubertin. Ça devait être dans les années 74-75, où j'ai perdu 7-5 au troisième set, donc un combat très très long. Et une autre fois où j'ai battu Arthur H. Ça, c'était avant Roland-Garros, dans une rencontre France-États-Unis qui se disputait sur terre battue. Vous l'avez souligné, c'était pas sa meilleure surface, donc j'ai réussi à le battre une fois. Mais c'est vrai que Arthur H a été à son meilleur numéro 2 mondial, hein, en dehors des trois grands chelems qu'il a gagnés. Donc il était en tout cas plus fort que moi, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. C'était un garçon sur le court extrêmement, à la fois élégant dans ses gestes, mais également très fair-play. Hein. Jamais on l'a entendu, jamais on l'a vu contester la moindre chose, etc. Et il y a eu beaucoup d'anecdotes, d'ailleurs je vais en raconter une, mais une fois il jouait avec Elina Stas, vous avez parlé d'Elina Stas tout à l'heure, qui le traitait de négro, mais ça c'était vraiment pour plaisanter. Hein. Nastas plaisantait toujours, mais une fois Nastas, qui jouait en double avec Arthur H, dans une finale donc où ils jouaient l'un avec l'autre contre une équipe adverse, eh bien Nastas avait retardé son entrée sur le court et il s'était peint le visage complètement en noir. Voilà. Et Arthur H n'était pas du tout informé, n'est pas du tout au courant. Comment il a réagi? Et ce qui fait que quand Nastas est rentré sur le court peint en noir, ça n'a pas fait rire du tout Arthur H. Pas du tout, du tout. Mais ça, c'était Nastas qui, quelquefois, faisait des blagues qui, effectivement, étaient tombées un petit peu à côté de la plaque. Et est-ce que Arthur H parlait de sa conscience noire, de son combat, de l'adhésion au droit civique, au combat pour le droit civique des Noirs? Non, je crois que vous l'avez bien résumé. Il essayait véritablement de faire en sorte que son combat soit un combat souterrain, mais un combat, encore une fois, qu'il a mené tout le temps. Il ne s'est jamais arrêté véritablement de combattre, mais il ne voulait pas, encore une fois, faire des grandes manifestations, mais c'était véritablement au quotidien, comme il l'a fait d'ailleurs au sein de l'ATP, dont il a été le président. Il a dirigé cette association qui est devenue ensuite véritablement une association qui a compté énormément dans le tennis professionnel. Donc c'était un travail de sous-marin qu'il faisait, mais qu'il faisait très bien. Et ce qui fait qu'en fait, il n'avait véritablement pas d'ennemis, en dehors d'avoir des extrémistes qui, que soient les Black Panthers ou d'autres, qui disaient qu'il en faisait trop. C'est vrai que quand il a été en Afrique du Sud, par exemple, il y a eu beaucoup de Sud-Africains qui lui ont reproché d'être venu soutenir le gouvernement apartheid, ce qui n'était pas du tout son cas. Et lui disait d'ailleurs, mais moi je suis sorti de là, j'ai réussi à faire en sorte que les joueurs noirs d'Afrique du Sud puissent disputer un certain nombre de compétitions, donc je suis content d'avoir réussi ce résultat. Il savait qu'il n'allait pas tout changer en un instant, mais il était extrêmement volontaire et extrêmement décidé, encore une fois, à faire changer les choses en profondeur. Alors bien sûr, Yannick Noah admirait Arthur H pour plusieurs raisons. D'abord, personnellement, pour leur histoire personnelle, aussi parce qu'il était noir, parce qu'il admirait aussi son combat. Il vous en parlait, Noah, d'Arthur H, comment il en parlait, avec des étoiles dans les yeux, non? Oh oui, mais bon, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une vie assez commune. D'ailleurs, là vous me voyez aujourd'hui, je suis venu avec un vêtement d'Arthur H. Hein, oui, voilà. Donc c'est le coq sportif qui effectivement continue d'ailleurs à vendre une collection Arthur H. Veste toute blanche avec le bout des manches bleues. Mais j'ai des chaussures. J'ai des chaussures Arthur H également. Bon, et tout ça c'est le coq sportif. Et là encore, c'est d'ailleurs Yannick Noah qui joue avec le coq sportif depuis les années 1980. Mmh. Donc il y avait effectivement aussi cet attachement indirectement à un équipementier qui a réuni les deux hommes. Je pense que Yannick, c'est vrai qu'il sait d'ailleurs, j'ai donné à Yannick très récemment une photo en fait de l'affiche qui avait été imprimée à Yaoundé quand Arthur H est venu jouer. Il ne savait absolument pas où elle était et je lui ai remis cette affiche où il y avait marqué tournée mondiale avec Arthur H, Charlie Passarel, Marty Rissen. C'est l'époque où effectivement Arthur H a découvert Yannick Noah et derrière en fait ils ont été gérés par le même agent pendant pratiquement toute leur carrière et c'est vrai que Arthur, même s'il le faisait discrètement, a toujours accordé beaucoup d'attention au parcours de Yannick et a essayé de l'aider dans la mesure du possible, même si il y avait une différence d'âge et une différence même de vie, hein. C'était des garçons qui vivaient totalement différemment. Est-ce que Arthur H a bien vécu ce tournant du tennis? D'ailleurs, vous avez joué aussi, vous, pendant ce tournant, au moment où la télé a commencé à diffuser. On est passé dans une autre ère du tennis et puis aussi, il y a aussi l'ère open, hein, ça ouvre, ça matin. Alors l'ère open a commencé. Comment il a vécu lui? Pardon, je finis ma question. Et donc il y avait une starisation très forte, ça a commencé là. Comment il le vivait lui? Alors lui, très sincèrement, je pense que ça ne l'a absolument pas dérangé du tout et que ça n'a absolument rien changé dans ses habitudes. D'accord. Autant quelqu'un comme John McEnroe, par exemple, qui était un petit peu plus jeune qu'Arthur, mais qui a joué sous le capitanat d'Arthur H, a véritablement utilisé la télévision, hein, parce que tous ces mouvements d'humeur qu'il y avait avec les arbitres, etc., bon, c'était calculé d'une certaine manière, oui. Même si c'était spontané. Arthur, lui, il a traversé cette période, je dirais, sans véritable changement dans sa personnalité profonde. Il s'est dit, c'est normal, c'est une évolution. Voilà. C'est une évolution normale, bon, et encore une fois, bon, c'est vrai que l'argent est arrivé grâce à la télévision, les prize money ont été augmentés de manière extrêmement importante, mais ça n'a absolument rien changé au fond. Moi, j'ai toujours revu Arthur H rester le même, avec autant d'humilité, de simplicité, et voilà, avec un très très bon contact humain. Et vous avez raconté une anecdote tout à l'heure, j'en ai une aussi, moi. Un jour, Roland Garros, j'étais spectateur, et c'était 18h ou 19h, la fin de la journée, et le double arrive à la fin de journée, souvent on voit le double, et je vois Vitas Gerulaitis, associé à Jimmy Connors, donc ils étaient déjà vraiment en fin de carrière, la presse disait, bon, ils sont un peu vieux, et ils sont arrivés tous les deux avec des béquilles, et bien sûr, tout le stade s'est marré. C'était une époque avec des joueurs de tennis qui avaient du charisme et ils avaient compris la notion de spectacle. Alors, je ne vais pas aller dans « c'était mieux avant, c'est ridicule », mais aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus très professionnels, mais ils n'ont pas beaucoup de fantaisie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que l'argent a amené un certain nombre de changements. D'abord, il faut savoir que les joueurs, aujourd'hui, sont entourés par un staff excessivement important. Vous avez l'entraîneur physique, l'entraîneur tennistique, le sparring partner, voire celui qui s'occupe de la réservation des cours. Donc, le joueur est dans sa petite bulle, mais il n'exprime pratiquement plus rien. Et même sur le court, d'ailleurs, vous les voyez jeter un œil vers leur entraîneur en disant, mais quand ils sont en difficulté, mais qu'est-ce que je dois faire là? Je dois monter la volée? Je dois jouer sur le coup droit, le revers? Ils ont perdu, en fait, si vous voulez, cette espèce d'indépendance qui permettait aux joueurs à l'époque, en fait, de créer leur propre univers, oui. De créer leur propre tennis. C'est bon. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a l'ATP qui a durci de manière considérable les sanctions contre les joueurs. Alors, quand un joueur dit une obscénité ou jette sa raquette, il reçoit une amende. Vous avez vu récemment que le jeune Hugo Gaston avait laissé tomber une balle de sa poche à l'occasion d'un match. Oui. Et en laissant tomber une balle de sa poche, il espérait pouvoir faire rejouer le point parce qu'il avait fait un lob, bon, qui était dans le carré de service. Son adversaire allait faire le point. Il a laissé tomber la balle de sa poche en se disant, si l'arbitre le voit, il va faire remettre le point. Il a pris une amende de 144 000 €. 144 000 euros pour avoir triché. Donc, en fait, les joueurs sont amenés aujourd'hui à ne plus s'exprimer sur le court parce qu'ils savent que s'ils s'expriment, eh bien, ils vont être sanctionnés, ouais. ils vont avoir... Alors, vous avez un système, bon, une pénalité, un point, etc. Belle époque. Merci. Merci Patrick Froisy. Au revoir. Au revoir. Et Affaires Sensibles aujourd'hui, Arthur H, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos. Maïf. On me dit souvent, oui, il faut savoir lire entre les lignes. Bah, dans une poésie, ça se comprend. Mais l'autre jour, j'ai lu pour la première fois un contrat d'assurance. Ah bah, j'ai rien capté. Donc, imagine lire entre les lignes un texte auquel t'as rien compris. Du coup, moi, je me suis inscrite en fac de droit. Je commence demain. Allez, je vous tiens au jus. À la Maïf, pas besoin de devenir juriste pour être assuré. On vous propose spontanément les garanties auxquelles vous avez droit. Numéro 1 de la relation client depuis 20 ans. Maïf, assureur militant. Dans les conditions et limites du contrat. Lauréat assurance de 2004 à 2024. Enquête annuelle Bering Pointe Cantat réalisée auprès de 4000 personnes.